Tootsie Goldfinger. Dans moins de 3 minutes, on sera en direct avec lui au téléphone. Le DJ Odoador, il nous parle de son nouveau single qui sort dans les bacs, là, qui est énorme, Baila, et qui sent bon l'été. Et vous allez danser là-dessus tout l'hiver, j'en suis sûr. Mais juste avant, du son à l'ancienne, tiens, pour appeler Goldfinger, il nous faut vraiment du son à l'ancienne avec du son comme ça. Ça fait du bien. All Gold, De La Soul sur Radio Arc-en-Ciel. So visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on a baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that it ain't all good. That's the truth. Things ain't going like they should. I can't believe we built this large pizza pie together. No pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese. Sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea theory. I was Moses, hopelessly scorned by your thorns of horror. Tried to bring that fairy tale life. You wanted horror, but my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left the dead in the sea. It's better for me. I'm satisfied with repping for D. We were certified hot, then dropped to lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Niggas who cut us off wanna reattach us now. Them girls who brush us off say they want some numbers to die. Yeah, I get that ass a number and some lumber to pound and catch a curve from my kick. Won't show me love if I break. So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. It ain't deep, but be sure to understand between. It ain't all good. That's the truth. Things ain't going like they should. It's all on you. It ain't all good. That's the truth. Things ain't going like they should. It's all on you. You see them kids be scheming on what we done cop. Always off the scheme. Instead of fiending for the moment, they can get us off the block. But you need to watch the front. Indeed, they're not a guarantee. Le meilleur des souvenirs avec All Good, De La Soul sur Radio Arc-en-Ciel. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Eh ouais, puis normalement il devrait être avec nous au téléphone. C'est DJ Goldfinger, bonjour. Salut à tous. Comment tu vas bien, Goldfinger? Bah écoute, ça roule, hein. Ça va? Ça va bien. Ouais, déjà, un, merci pour avoir accepté l'invitation, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bah, merci à vous, et puis pour le support sur mon single Baila, et voilà, je vous écoute régulièrement. Ouais, bah ça me fait plaisir. En tous les cas, on va parler rapidement un petit peu, juste le début de ta carrière, pour expliquer un peu aux auditeurs. Comment il a commencé, Goldfinger? On dit le DJ au doigt d'or, c'est ce que dit la presse. Bah écoute, là j'arrive dans les 20-25 ans de carrière, j'ai commencé, mon premier projet c'était chez Universal, chez Motown, plus précisément Motown New Flavor, c'était R&B, et voilà, depuis, j'essaie de sortir un gros projet par an. Ouais, c'est bien. Il y a eu les fameuses compilations double face dans les années 2000, de 2000 à 2007. Ouais. C'était chez Universal toujours, compilation hip-hop R&B du label avec le meilleur des artistes Universal. Voilà, et j'ai fait, en ce qui concerne les artistes, voilà, j'ai débuté avec Bustaflex, donc très vite je me suis retrouvé dans les premières parties de NTM. Dans la c'est du lourd de 98, je sais qu'ils sont d'actualité avec leur dernier ouais. À Accor Arena. Le Vita. Dernier live qui a été là donc, en live il y a quelques jours là à Accor Arena, qui a été Malheureusement j'étais en déplacement donc j'ai pas pu y aller, mais j'ai regardé la rediff. C'est énorme. Comme c'était diffusé à la télé, j'ai regardé la rediff. Puis bon, le show je le connais hein, donc ouais. J'y ai participé de 98 à 2005. Ouais. Donc voilà, je connais un peu l'histoire. Et puis voilà, l'aventure continue. Là, chez MCA, j'ai sorti le single Baila. Qui, ouais, on va écouter après. Très bien. Et puis voilà, on est en train de montrer une petite tournée qui va se tourner jusqu'en Asie. Donc, alors, le single, le nouveau single s'appelle Baila avec Kenzo, c'est ça? Voilà, Kenzo, il a participé. Ça, c'est dans la version remix. Ouais, c'est le remix que j'ai reçu à la radio, c'est pour ça. Ouais. Ouais, on a reçu le remix. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est pour ça que je parle de Kenzo. En fait, donc voilà, on a fait plusieurs déclinaisons du titre et le remix vraiment cartonne en club là en ce moment. On a vraiment des retours au niveau des tops et tout. Ouais, je vois ça. Et il sonne soleil quand même. Hein. C'est un peu la mode, le reggaeton, tout ce qui est soleil, caliente en ce moment. Ouais, un peu bombaton. Voilà, exactement. Dans un style un peu latino bombaton. Ben, au niveau des voix, en fait, c'est une chanteuse sud-américaine qu'on a rencontrée. Ouais. Et puis, voilà, on bosse à distance en studio. Et voilà, ça, c'est le deuxième titre que je fais avec elle. Et puis, ben, voilà, la magie, elle opère bien avec elle. Et puis, ben, si tout continue comme ça, je pense qu'on va pas tarder à faire le clip. Ouais. Et puis il y aura d'autres choses qui vont arriver derrière. Ouais, c'est important le clip qui suit juste derrière. Il faut un beau clip avec, hein. Bah carrément. c'est la continuité d'un titre. Maintenant, l'image aujourd'hui c'est important. Donc d'avoir un clip de qualité. Bien sûr. C'est la continuité de la réussite d'un titre. Alors avant de s'écouter Baila sur Radio Arc-en-Ciel en direct avec toi DJ Goldfinger, puis merci de ce petit interview que tu nous as accordé. La continuité, la suite après Baila, il y a quelque chose de prévu, comme je te disais, là on est en train de travailler un peu sur des idées du clip et parallèlement à ça on monte une tournée internationale. Donc voilà, j'invite tous les bookers de clubs discothèques et autres à nous contacter sur nos réseaux sociaux, c'est simple. Sur tous les réseaux, c'est DJ Goldfinger, Goldfingers officiel. Et puis on les accueille avec plaisir et puis on travaille ensemble avec plaisir. D'accord. Et puis je profite pour remercier tous les auditeurs. Bien sûr. Et puis tous ceux qui me supportent depuis Baya ou depuis avant. Et depuis des années, depuis le hip-hop. Alors là, ça sonne soleil, comme je le disais, Baya. Est-ce que après, t'as pas envie de faire un peu du hip-hop, comme à l'ancienne, un petit peu un titre qui revienne un peu pour faire plaisir à tous les anciens qui ont connu l'époque NTM, etc. Puis toi, En fait, la continuité du truc, c'est que si on prend le chemin de la réussite avec ce titre, on est bien parti, mais il faut que ça continue et qu'on emmène le truc un peu plus loin. J'ai une option d'album chez Universal MCA, et du coup si on se dirige vers l'album, du coup il y aura plein de titres différents, et effectivement il y aura des titres bien hip-hop, il n'y a pas de souci sur ça. Ça va nous faire vraiment plaisir, surtout à tous les anciens qui écoutent la radio et se disent un truc à l'ancienne là sur la piste, comme à l'époque, le vrai son hip-hop. C'est prévu dans la continuité de l'album, mais ce sera vraiment varié, et puis il y en aura pour tout le monde. Ok, DJ Goldfinger, merci de nous avoir accordé ces 10 petites minutes d'interview exceptionnelles. On te remercie, on va écouter Baila. Merci à toi et puis merci aux auditeurs. Ouais. Et je vous laisse découvrir Baila pour ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à trimer, à chasamer, à liker, à partager. Voilà, ce morceau, je l'ai fait pour vous. Je te reprends tout de suite en antenne et puis on s'écoute Baila si tu veux. Allez, c'est parti. Voici DJ Goldfinger et Baila sur Radio Arc-en-Ciel. Il est énorme ce titre, hein, le tout nouveau DJ Goldfinger avec Baila. Goldfinger qu'on vient d'avoir au téléphone, interview de 10 minutes, ça m'a fait vraiment plaisir. On était un peu en décalé, hein, il est très très loin, mais il a pris ces quelques minutes pour nous appeler sur un arc-en-ciel et vraiment ça nous fait plaisir, ça nous touche. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, aujourd'hui c'est mardi, ouais, ça passe vite, hein, ça passe vite. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM.